il est justement avant-gardiste et aujourd'hui nous fait savoir que la décennie dans laquelle nous sommes est simplement la plus dangereuse. En quoi, par exemple? C'est la décennie où on a vu arriver à son stade suprême l'entreprise publiquement assumée de destruction et d'effacement de l'être humain sur la Terre. Ça suffit. Mais devant vous, attends, qu'est-ce qu'on fait à Davos? Vous savez que le président de Davos, c'est un nazi à la tête chauve. Il s'appelle Klaus Schwab. Son père était un confident d'Hitler. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Président Davos, qu'est-ce qu'on fait à Davos et dans d'autres cénacles? On organise et on justifie, on systématise la fin de l'espèce humaine. Attali, ce petit voyou-là, il a dit que quand tu as 65 ans, tu es inutile à la société. J'espère qu'il va avoir cet âge-là, il va se suicider sur la pagode. Il a écrit, Attali a écrit des livres où il a annoncé tout ce qui est arrivé là. Des gens s'asseyent, ils ont la forme humaine, on ne sait pas ce que nous on les a fait, ils décident qu'on est trop nombreux sur la terre, ils doivent le supprimer. Ils élaborent, ils systématisent le génocide universel. En plein jour, on applaudit, on les reçoit. Alors Macron vient en Afrique, on le reçoit. Macron. Un petit nation vient en Afrique, on le reçoit. Des gens qui ont fait la promotion du crime le plus absolu que l'humanité ait jamais connu. L'extermination planifiée de l'espèce humaine. Mais Poutine a raison, le président Poutine, il a raison. Jamais on ne peut arriver à ce niveau. C'est dans ce décalage de 6 qu'on a amené au niveau le plus élevé, n'est-ce pas, la construction et la fabrication des armes de destruction bactériologique. Est-ce que vous vous rendez compte? On pourrait banaliser ça. Les Américains sont dans ce programme, ils le mettent, c'est leur apanage. Mais quand maintenant ils disent que non, ils font de la recherche. Vraiment, c'est de la recherche pour protéger les humains, pour lutter contre les maladies. La maladie lutte contre la maladie. La maladie, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est une maladie pour le monde. N'allez pas se soigner eux-mêmes. Ils veulent vous soigner. Donc, le président Poutine a raison. Je ne parle pas de la violence économique. Ah oui. Comment on dépouille les nations? Mais dites-moi, monsieur Doum, comment les gens peuvent s'asseoir et penser ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel? Mais c'est une arme de destruction hyper massive. C'est un crime contre l'humanité. Il faut arrêter les gens qui ont travaillé au FMI, qui ont planifié ça. Les gens se sont assis à Washington, ils ont élaboré un consensus, maître, dans lequel vous avez la quintessence des problèmes d'ajustement structurel. Mais c'était quoi cette affaire? Mais ça détruit les familles, ça a ruiné des pays, ça a subi des millions d'emplois. Les gens se sont suicidés, mais vous vous rendez compte? Sur le plan culturel, vous savez ce que veut dire? Quel niveau de violence sociale? Il me dit à moi qu'un homme peut être une femme, et une femme un homme. Vous trouvez ça normal? Le sommet. Le président Poutine a dit que qui a fait ça chez eux? Oui. C'est dit un matin, vous êtes assis, on vous dit que non, Allah avait un homme, c'est une valeur. Et un pape s'assoit et dit que même Dieu est d'accord avec ça. Oui. Avec sa soutane. Soit disant pape, il dit qu'il faut réformer l'ONU. Un matin, que c'est bien, c'est une valeur. Un matin, on vous dit que aller avec un animal, c'est la valeur suprême. Et madame, vous êtes dans les avions, tu es assis dans un avion, tu vois une voisine blanche, elle te donne le sein à un chat. Et un monsieur avait annoncé ça comme prophétie, c'est un prophète, Georges Brassens. Brad Mago, vous connaissez la chanson? Brave Mago. Georges Brassens a sorti cette chanson. Mais, tous les gars, oui, là, sans publicité. C'était une prophétie. C'est ça. Vous écoutez une chanson, mais c'était une prophétie. Des femmes vous disent que non, ils sont très à l'aise avec les animaux, c'est leur mari. Et maintenant, on est en train de réfléchir comment légaliser les mariages homme-animal. La Suède s'avance dans ça. Les Allemands, ils sont très avancés. Un père parle avec sa fille, l'inceste, on légalise ça. Mais je vous dis, ne riez pas. Il y a souvent Dieu assis au ciel. Il pense que Satan m'aime mieux que certains hommes. C'est vrai. C'est des gens, ça dit, ils ont la forme humaine, mais c'est Satan tout fait. Et que Satan est même moins méchant qu'eux. C'est de la violence culturelle. C'est une violence. On violente ton mental. On te traumatise. Mon cher, un monsieur s'en va à l'école, dit aux enfants de 3, 4 ans que il est en train de homosexualité. Il s'appelle Macron. Et vous le recevez chez vous. Macron. Une calamité comme ça. Vous le recevez chez vous. Il est président. C'est le président de la France. Il faut le respecter. Mon œil. Un gars écrit. Il s'assoit, il réfléchit, il est marié. Hein. Bon. Ne parle pas de l'âge de sa femme. Il est marié, il s'assoit, il dit que non, à 4 ans, un enfant peut avoir des activités sexuelles. Il présente ça dans un parlement. Après, on dit que non, vraiment, 13, mettons 13 ans. Mais à 13 ans, un enfant a quelle maturité pour s'engager dans des aventures sexuelles. Mais c'est-à-dire que ces choses-là sont passées devant nous. Oui. On nous amène à tolérer ces choses-là. Non. Le président Poutine interdit ça en Russie. Tout à fait. Et on vient de renforcer la sénat contre ces choses-là en Russie. Oui. Parce qu'il faut préserver la civilisation. Il faut préserver l'ADN de notre civilisation. Si quelqu'un dit un jour qu'il connaît Dieu dans sa vie, il ne peut pas légiférer dans des bêtises comme ça et en faire les valeurs de civilisation. C'est bon. Mais le temps va arriver. Le temps va arriver. On ne pourra plus recevoir des gens comme ça. Oui. On y va. Les derniers dirigeants africains, ils disent là, lâche là, qu'ils font les histoires là, que machin, ils n'ont pas ta diplomatie là. Le temps vient, ça va s'arrêter. On y va là. Oui. Moi, je vous prends, je vais terminer par ceci. Mm-hmm. Parce qu'apparemment, vous voulez que je termine. Vous savez, maître, professeur Bellec, vous avez remarqué une chose, depuis 10, 20 ans, les qui ont commencé à vous monter les affaires du tribunal pénal international, ouais. Il faut une justice internationale. Ouais. Il faut lutter contre les crimes contre l'humanité. Ouais. Il faut traquer les dictateurs. Ouais. Parce que les crimes contre l'humanité, vraiment, ouais. Dieu n'aime pas ça. C'est la chose la plus pire qu'il faut arriver. Ouais. Mais vous n'avez pas réfléchi. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. Ouais. Comment des gens qui se sont élevés comme puissance en faisant des crimes contre l'humanité de manière successive, un matin se réveillent et disent que non, c'est mauvais, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait inventé une nouvelle manière de tuer. Il a dit fait mathématiques. C'est son élève. Non, il m'a enseigné le matin. Je vous dis, des gens ont passé leur vie pour exister, tuer, élaborer le crime, le sophistiquer au niveau universel. Génocide, génocide, massacre, tout ça. Un matin, c'est là, ils vous disent que nous, à partir d'aujourd'hui, on va créer des tribunaux internationaux pour traquer les auteurs des crimes contre l'humanité. Nous voulons plus les gens qui tuent les populations. Nous voulons plus. On arrête Kadhafi, Moubara et Constantin. On les traque partout. Mais posez-vous les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont inventé une nouvelle manière de tuer, mm-hmm. Ils se sont positionnés comme étant les pourfendeurs des anciennes façons de tuer. Et à travers ça, ils ont un avantage géopolitique extraordinaire. Oui. Pourquoi? Ils vous dressent contre les dictatures qu'ils ont inventées eux-mêmes. Mm-hmm. Et vous passez le temps à traquer les dictateurs qui tuent les populations. Ça dit quoi? Si quelqu'un fait du maintien de l'ordre, il arrive que 2, 4, 5 personnes perdent leur vie, il va au tribunal pénal international. Parce que celui-là, vous voyez comment on peut tuer quelqu'un, il meurt. C'est pas ça. Hein? Mm-hmm. Mais quelqu'un tue sans qu'on le voit. Il tue à l'hôpital par des médecins. Qui te reçoivent et te disent que non, vraiment, tu sais, on va renforcer ton potentiel génétique pour lutter contre les maladies. Il faut qu'on augmente tes capacités, tes moyens de défense de ton organisme. Alors, tu acceptes, tu payes même pour ça, tu payes, hein? Oui. Tu payes. Les médicaments qu'on te prescrit. On a deux de te tuer. Monsieur Lassalle, je crois qu'il s'appelle Jean Lassalle. Jean Lassalle. sénateur, député, deux fois candidat à l'élection présidentielle. Il vous dit qu'il a, il a cru à cette bêtise-là. Il a cru qu'il était, il a dit qu'il voulait sauver la France. Il était très gentil. Il dit que non, je vais me donner comme exemple, je vais aller me vacciner. Je crois cette affaire. Moi, je suis contre les complotistes. Jean Lassalle. Il allait se vacciner. Ses malheurs ont commencé. Toutes les maladies qu'il n'avait pas hier, avant le vaccin. Jean Lassalle témoigne. Et Jean Lassalle nous révèle que M. Macron ne s'est jamais vacciné. Qu'aucun ministre ne s'est vacciné. Et c'est vrai aussi. Puisque nous le savons, dans les années 2021, quand on parlait ici, on savait qu'une ne se vaccinait pas. Oui, on savait, non? Je vous dis. Après, les gens ont oublié, mais c'était une actualité. La question se posait même. Ils ne se sont jamais vaccinés. Vous avez des idiots. Certains d'autres disaient qu'ils se vaccinaient. S'il vous plaît, président, allons-y, vu que le générique voilà. commence à nous retrouver. Donc, je vous dis que ouais. Jean Lassalle vous dit que Macron, il a un passe vaccinal antidaté, avec des dates bizarres. Il s'est même vacciné. Aucun ministre français n'est vacciné. C'est Jean Lassalle qui vous le dit. C'est pas n'importe qui en France. Il y a un animateur là, Sébastien, qui là, il s'appelle Jean-Sébastien, l'animateur de variété là. C'est Sébastien, ça, c'est qui ça, là. C'est ça. Oui, Sébastien. Il témoigne. Fervent défenseur du vaccin. Il faut te vacciner, les maladies de vacciner. Il a commencé à développer toutes les maladies du monde. Il dit que dans son entourage, plein de gens viennent se confier à lui. Au lieu du problème de la simortalité. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, merci. Au lieu du problème de la simortalité post-covidique, est le problème majeur du monde. On cache. Et on appuie les gens. Et on n'a pas codifié en matière de risque que le vaccin pouvait inoculer. Bien sûr. C'est-à-dire que les créateurs, les inventeurs du vaccin ne sont pas passibles de poursuites. Mais c'est von der Leyen, non, on a dit. Ils ont imposé ça. C'est von der Leyen, non. Oui, dans le monde entier, ils ont imposé ça. Ils ont imposé ça. Il a dit ça, c'est von der Leyen, non. Oui. Donc, oui, quand les gens inventent une nouvelle façon de tuer, s'ils jouent au politique maintenant, ils deviennent. Ils organisaient des croisades contre les anciennes manières de tuer. Ils pourchassent ces gens et vous, les naïfs, vous croyez que vous avez affaire aux gens qui défendent les droits de l'homme, qui sont avancés. Ils ont simplement inventé une nouvelle façon de tuer. Regardez la question nucléaire. Qui aujourd'hui, tous les jours, dit que non, l'arme nucléaire, c'est pas bien. Hein, Poutine veut utiliser l'arme nucléaire. Les Américains sont en première ligne, comme s'ils voulaient sauver le monde. Quel est le pays qui a utilisé l'arme nucléaire dans le monde jusqu'à présent? C'est qui? C'est l'Amérique. Mais si les gens inventent des oiseaux qui distribuent les virus, des oiseaux migrateurs qui partagent les virus, si les gens peuvent diffuser des virus invisibles, ça tue les gens. À quoi c'est l'arme nucléaire? Ils deviennent les champions de l'élimination de l'arme nucléaire. Et toi, Kenyaïque, tu dis que non, vraiment, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils veulent nous sauver contre la mort. Pourtant, ce sont les plus grands criminels que la Terre a inventés. Lorsque l'Angleterre a constaté qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent par les méthodes, par le développement technologique et industriel. Plus qu'elle en gagnait avec l'esclavage. Elle est devenue la championne de l'abolition de l'esclavage. Oui. Vous me suivez? Son ancien métier. Oui, son ancien métier. Merci, maître. Dès que l'endettée a compris que je peux gagner plus d'argent en développant l'industrie et la technologie, c'est en première ligne dedans. Je mettais déjà ça. Plus que j'en gagne avec l'esclavage, elle est devenue la championne de l'abolition contre l'esclavage. Elle a commencé à insulter les pays esclavagistes, que vous êtes des personnes immorales, vous êtes des dictateurs, vous haïssez l'être humain. Et l'Angleterre est apparue comme un pays civilisé. Regardez la fable de l'homme le plus riche du monde. Mais pas tous les jours, vous dites que voilà le plus riche du monde. Un temps, on vous a dit que le bandit criminel qu'on appelle Bill Gates n'est pas l'homme le plus riche du monde. Oui. Vous avez cru à ça, non? On vous a dit un jour que Rothschild. On vous a donné la fortune de Rothschild. Dit-on. On vous a donné la fortune de Rockefeller. Dit-on. Mais on vous présente un pantin qui sort de leur cuisse. Oui. On dit que c'est l'homme le plus riche du monde. Pour vous distraire. Et on envoie à mission sur le plan philanthropique aller coloniser l'OMS. Une organisation internationale, interétatique, devient désormais la propriété américaine. D'un philanthrope. Tout à fait. Pourquoi? Il s'est présenté, on vous a présenté comme étant l'homme le plus riche du monde. Alors que les vrais, ils sont derrière. Vous connaissez la fortune de Rothschild? Ça, c'est que ça dit. Ça se comptait en milliards, en milliers de milliards de dollars. Leur fortune. Oui. De l'orphelin. Ils peuvent mettre autant de zéros qu'ils ont, puisqu'ils ont la fête. Eux-mêmes, ils savent que c'est indécent. Ils peuvent mettre autant de zéros qu'ils veulent, puisqu'ils ont la fête. Oui. si ça, ça lui dit, il va jeter un zéro. Attends, mais ils savent que c'est indécent de présenter au monde de leur vraie fortune. C'est indécent. On vous détourne, on fabrique la faveur, l'homme le plus riche du monde. On amasse un idiot, un criminel de la République, on le met devant. Et il joue le jeu. Un matin, il devient docteur en vaccin. C'est-à-dire un piètre mécanicien, quelqu'un qui manipule le métal, un mécano de pacotille, il devient docteur en vaccin. Et celui qui indique à l'OMS ce qu'il faut faire pour soigner les gens. Notre monde est malade. Il faut le soigner en le débarrassant des nazis. Et vous savez qui ils sont désormais. Merci. Puisque nous savons désormais qui ils sont, merci. Infiniment à vous, président Banda Kané, professeur Mbellet, merci d'être passé. Allez, mais si c'est possible pour moi, je vous en prie. Mais des gens moins éveillés que beaucoup de gens. La réflexion, non, je vais juste la diffuser. Que veut dire nazi? Parce que quand on voit national-socialisme russe, le sigle nazi ne colle pas. Ok? Il n'y a pas de Z dans national-socialisme. Ça vient d'où nazi? Je vous laisse la réflexion. Je dis que, il y en a un là, il s'appelle Franck, je ne donne pas son nom. Ils connaissent ça encore plus que moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... C'est pas nous, là, mais il y a des gens qui ont déjà réfléchi là-dessus. Et ils ont compris ce que ça veut dire, nazi. Pourquoi on a dit nazi, alors que le sigle ne correspond pas? Afrique Média. Le monde, c'est nous.